Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, il est 20h02, vous êtes bien sur Fadjet 94.2 ou Fadjet.net, c'est l'heure de Musique Live, alors on ne tarde pas, on y va tout de suite, générique Eric. Musique Live avec Yo, sur Fadjet, tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis du mois à 20h. Eh bien bonsoir à toutes et bonsoir à toutes, bienvenue pour une nouvelle émission de Musique Live sur Fadjet 94.2 et Fadjet.net. La musique est vivante, vous le savez, et pour l'apprécier, rien ne vaut d'aller voir et entendre les musiciens, les artistes jouer sur scène. Il y en a partout autour de vous, que ce soit à la ville ou à la campagne, à la mer ou à la montagne, la musique est dans notre vie depuis l'enfance et marque nos vies et nos souvenirs. Il y a même des techniques avec de la musique douce et relaxante pour déstresser le bébé à sa naissance et la maman aussi, c'est pour vous dire. Alors vous le savez, vous les fidèles de Musique Live, j'aime bien plein de genres de musique différentes. Lorsque les musiciens et artistes en concert jouent avec sincérité, engagement et un vrai talent qui se démarque, leurs musiques sont forcément belles à entendre, quel que soit le style. Et ce soir, en voilà qui est un vrai bluesman, à l'esprit rock, français de surcroît, qui a galéré des années avant de percer et se faire connaître et reconnaître sur le plan national et au-delà. Nous allons ce soir, en concert, ensemble, écouter Paul Person. J'ai eu l'occasion de passer une soirée avec lui dans les années 84, je crois. C'était pas à Paris, c'était à Épinal. Après son concert et lors de la tournée de son premier album qui s'appelait Barjoland. Vraiment un type super chouette. On a passé toute la soirée après le concert. Assez festif à l'époque dans ses tournées, mais d'une simplicité, un vrai gentil avec un talent fou. Alors, né en 1949 en région parisienne, René-Paul Roux, de son vrai nom, passe une enfance tranquille, bercée par la musique qu'écoutent ses parents, et surtout Charles Aznavour et Edith Piaf. Son père joue aussi de l'harmonica. Et puis, comme tous les gamins de son âge, à l'âge de 12 ans, il découvre Eddie Hallyday et Johnny Mitchell, Look et beau gosse, et évidemment, avec chemise blanche et chaussettes noires. Et il se bricole, lui, une batterie plutôt, et commence à jouer avec les copains du lycée en gratouillant déjà un petit peu la guitare. À 17 ans, il obtient un CAP de mécanique générale. Il décide de se lancer, malgré tout, dans la musique. Un premier groupe, un premier 45 tours, un échec. Il arrête pour aller bosser dans l'agroalimentaire, mais finalement, peu de temps, car il rejoint une troupe de théâtre qui constitue aussi un groupe musical d'une quinzaine de musiciens. Une tournée dans les MJC plus tard, hein, c'était bien à l'époque. Retour casse départ, René Paul dit Doudou, vous saurez décidément tout sur lui, reprend son boulot lambda, mais garde quand même des contacts avec la musique, puisqu'il reforme un premier groupe de blues, repart en tournée, en première partie de Little Bob Story, si vous vous souvenez bien. Il fait même un premier album, notamment avec la participation gratuite de musiciens comme Benoît Blueboy. Une des références dans le blues en France. La mode est plutôt punk à l'époque, alors le blues rock, ça séduit pas franchement les maisons de disques. Alors il tente un nouvel album, cette fois-ci en anglais, quelques concerts, mais ça marche toujours pas. En 1982, il se dit qu'il va se lancer dans une nouvelle aventure et une carrière solo, où il fait son premier album, se fait dénommer Paul Person, tourne, rencontre, mais ça décolle toujours pas. Vox, sa maison de disques, lui refuse un second album, et dépité, il rentre à Toulouse en se disant que cette fois-ci c'est bien terminé pour de bon. Et là, la magie opère. La chanteuse Nicoletta, qui l'a entendu, l'invite dans une nouvelle émission de télé, où il devient donc Paul Person. Sa prestation est saluée et Philips le signe directement pour un album. Ce sera Barjoland en mai 83, tout le monde le découvre, tout le monde l'apprécie. Il devient très vite le bluesman français le plus reconnu avec Bill Doehm. Sans vendre des millions de disques, il se fait sa place, devient très demandé par tout le monde comme guest, enchaîne des concerts, des tournées, bref, c'est parti. Mais chut, il arrive sur scène, on se retrouve après le concert. Ah, j'oubliais, on est aux Vieilles Charrues, il y a 50 000 personnes qui sont là depuis 15 heures, les musiciens ne cessent de défiler et c'est son tour. Allez, à tout à l'heure. Hey, salut à tous! Vous savez que vous êtes vachement beau vu d'ici. On m'avait longtemps parlé de ce festival et aujourd'hui j'y suis avec vous et on va se prendre du bon temps, ok? On va commencer avec une vieille chanson. Peut-être certains d'entre vous vont la reconnaître, ça fait comme ça. Les membres laissent tomber, viennent pas me voir en soi. Arrête tout l'ego que je sens. Les mots complices et durs pour dire le pire. D'autres ont jeté leur vie en les chialant mieux avant. Alors faut que je me chante, mon pote est là pour causer. Causer pour passer le temps. Avec l'impression que tout sert à rien et que de toute manière demain on aura tous foutu le camp. Et salut l'amour, qu'est-ce que tu deviens? Un paquet de temps que je t'avais pas vu traîner dans le coin. Que je te montre là où je survis tout ce qui m'entoure. Car depuis tout ce temps que tu ronfles, ça concerne plus tout ça, hein, l'amour. Garde la baille à Barjolinde, jeu de massacre est gratuit. Un peu plus loin, y'a le point où tout le monde se dit je t'aime, mais où tous les coups sont permis. Alors l'amour, ça te plaît chez moi. Vite permanent, mais où tu te barres comme ça? Retrouvez Lionel, dit Yo, avec son émission Music Live. Ouais, depuis le jour où je suis né, je vis un rêve qui tourne en rond. Ah, depuis le jour où je suis né, j'ai un rêve qui tourne en rond. Quand je pense à tout ce que j'espérais, j'ai vraiment une sale impression. y a longtemps que j'attends plus qu'un dieu vienne me tendre la main. Non, y a longtemps que j'attends plus qu'un dieu vienne me tendre la main. Prends le bon temps qui passe, c'est tout ce que j'espère pour demain. Ça court comme ça. Oh, y'a les jours où je dis hey, les filles où ça court comme ça. On me dit ramène-toi, y'a une fiesta rue des survivants ce soir. Et là, je sais bien, ça va rouler. Ça va rouler ce soir. Si tu sais prendre ta chance, oh, bon, ça va rouler ce soir. Les années défilent comme un train qui ne s'arrête jamais. Oh ouais. Je vois que les années défilent comme un train qui ne s'arrête jamais. Je veux pas connaître la station du dernier voyage que je ferai. Tout ce que je sais, c'est que ça va rouler. Ça va rouler ce soir. C'est prendre ta chance, oh, bon, ça va rouler ce soir. Ouais, ça va rouler ce soir. Ça va rouler, ça va rouler ce soir. Ça va rouler, ça va rouler ce soir. Ça va, vous êtes bien? Une vieille chanson de Comme à la maison, ça fait comme ça. Qui jongle sur un fil. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. Quelqu'un appelle, on n'entend pas. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. La porte cachée sous ma main. Ah, plein de perdus qui résonnent. Voilà font la caisse autour de la terre. Et je m'blouse positif en racontant des histoires de fées et de sorcières. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. Quelqu'un appelle, on n'entend pas. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. La porte du fond s'ouvre mal. Ah, juge unique. Face à moi-même dans ma cabane en bois, loin d'étoiles, d'autoroute, je filmerai plutôt du genre départemental. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. Quelqu'un appelle, on n'entend pas. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. La porte du mal s'ouvre bien. Ouais. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. Quelqu'un appelle, on n'entend pas. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. Quelqu'un appelle, on n'entend pas. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. Quelqu'un appelle, on n'entend pas. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. Quelqu'un appelle, on n'entend pas. Sans peur, les villes fantomatiques, avec dans tes bagages les armes de l'innocence, sonnant dans des champs de blé, dans des greniers sur des plages, vivant dans des baraques jamais fermées à clé. Maintenant tu dors plus sans alarme, porte blindée, caméra de surveillance et même un gun planqué. Oh dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, mais qu'est-ce qui a changé? La rue swingait au son des hordes utopiques, roulant dans leur présent un futur idéal, s'étourdissant de pensées qu'avait la tête haute, repoussant l'abrutissement et les bourrages de crâne. Maintenant tu te vautres, blasé sur le canapé, devant les écrans, prêt à tout avaler. Oh dis-moi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans le temps tu brillais, je te vois plus t'éteint. Dans le temps tu gueulais, et là tu dis plus rien. Dans le temps on t'aimait, tu vis seul comme un chien. Ça allait le bon vieux temps, ça sera pire au mieux demain. Oh, dis-moi, claquer les portes, j'en fais des courants d'air. Je tape les trois cloques qui me tapaient sur les nerfs. J'éteins la flotte des somnifères. Des amours sous escorte, j'en fais des containers. Je roule sur les pelouses et je fais dans la dentelle. Je roule dans les rodas, je me joue la belle. Mi-jalouse et nuit parallèle. Fin des bad news, je me ramasse à belle. Dans ma mémoire, des coins qui s'enfument. Au fond, j'ai des tas de voyants qui s'allument. Je tire pour la route, trois bouffées posthumes. Et je laisse au loin un peu d'amertume. Je taille une histoire à ma taille. J'arrondis les angles et j'oublie les détails. Je me taille une histoire à ma taille. Et je remets pour le bon mes wagons sur les rails. J'attrape au vol les bons moments qui passent. Fille au menton, les petits mots sur la glace. J'oublie mon les costards classe. Je me redécolle et je me perds à la trace. Dans ma mémoire, des coins qui s'enfument. Au fond, j'ai des tas de voyants qui s'allument. Je tire pour la route, trois bouffées posthumes. Et je laisse au loin un peu d'amertume. Je me taille une histoire à ma taille. J'arrondis les angles et j'oublie les détails. J'envoie encore balader l'ordinaire. J'envoie encore qui courent à leurs affaires. J'prends sans effort la tangente à l'hiver. J'm'évapore 10 pieds sur terre. Dans ma mémoire des coins qui s'enfument. Au fond j'ai des tas de voyants qui s'allument. J'tire pour la route trois bouffées posthumes. Et j'laisse au loin un peu d'amertume. Je taille une histoire à ma taille. J'arrondis les angles et j'oublie les détails. Je taille une histoire à ma taille. Et je remets pour le bon les wagons sur les rails. Je taille une histoire à ma taille. J'arrondis les angles et j'oublie les détails. Je taille une histoire à ma taille. Et je remets pour le bon. Live sur Fadjet. Ça va, vous êtes bien toujours? Ok, pensez à boire de la flotte parce que ça cogne là-haut. pense que le bon moment est venu pour se faire un petit blues ensemble. s'enfuir, plus jamais croiser son chemin. Lui n'a plus rien à lui dire, juste la garder sous la main. Faut se faire mal et bien se mentir avant d'admettre qu'il n'y a plus rien. Oh, qu'est-ce qui reste entre nous? Mais qu'est-ce qui reste entre nous? We'll be right back. Je frappé par une sale maladie. Le cousin du cafard fait la sauterelle dans ma ruche. Me plante des punaises, fout des papillons dans le compteur et comme je suis pas fatalitaire. Cavale au coiffeur en bateau et en skate. Voir les coiffeuses, la mère à Josiane, donc auxquelles je me fie ma cause et qu'ils pourront me soigner. Bourdon, m'isoler les neurones, me soigner. Bourdon, qui parasite mon arrière-fond. sage et sans repère, référence aux critères, elle nous balance du plaisir immédiat. Les démons et les anges mijotent leur inspiration, les dieux y mélangent leurs contradictions. Notre fantôme, notre vampire, notre miracle, notre divine, tout résonne autour de la terre et en nous. Mets-nous un plus haut, ce qu'on voit par en bas. Reflet et trahison intime, miroir de nos fêlures profondes. Venu pour soigner nos âmes et nos peurs, juste là pour calmer nos larmes et nos leurs. Fais-nous voir plus haut, ce qu'on voit pas en bas. L'endroit à l'envers, les si au-delà. Fais-nous voir plus haut, ce qu'on voit pas en bas. Lyrique sensuelle en boutante. Fais-nous voir plus haut, ce qu'on voit pas en bas. L'endroit à l'envers, les si au-delà. Fais-nous voir plus haut, ce qu'on voit pas en bas. L'endroit à l'envers, les si au-delà. Jacques Gauthier à la batterie. Allez, allez. Musique Live, de 20h à 21h sur Fadjet. À la guitare. Style guitare. We'll be right back. Merci. Un petit rock'n'roll pour la route alors. Hey, j'ai jamais travaillé, toujours voulu savoir jouer. Fait comme ça. Toujours moi qui choisis. Oh, jamais fait ce qu'on dit. C'est la vie qui m'a fait comme ça. Hey, j'ai pas venu ici pour me laisser faire. Quand tes problèmes, je fais tout le contraire. Jamais derrière, droit devant moi. Ouais, je fais comme ça. Je vais là où j'ai envie. Même si c'est pas permis. C'est la vie qui m'a fait comme ça. C'était Paul Person en concert. Bon, les gars, l'heure tourne. On rentre tranquille ou on va boire un pot? Bon, en tout cas, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Music Live. D'ici là, bonne soirée. À très bientôt. Ciao.